Tu dis que t'es toujours sûr de ce que tu penses et de ce que tu vois. Moi je dis que c'est pas si simple que ça. Tu dis que t'es toujours sûr de ce que tu ressens et de ce que tu crois. Si j'ai un conseil, méfie.